Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est l'heure de votre rendez-vous Dr Disco et Mr Funk. On va essayer de passer un moment agréable ensemble et ça démarre maintenant avec la découverte. J'ai choisi aujourd'hui le groupe Paradise et son titre One Mind, Two Hearts. Alors j'ai pas trouvé grand chose sur le groupe, je peux vous dire qu'il est actif durant le début des années 1980 et il va sortir 3 albums. Le morceau que l'on va écouter est issu du dernier en date sorti en 1983, Love is the answer. Mais assez discuté, place à l'écoute. I think we've conquered the impossible. We found a love that can survive. In a world that's filled with pain and lies, we found the truth without compromise. Alors, on va continuer aujourd'hui notre rubrique des 100 hits avec Teddy Pendergrass et son titre « The More I Get, The More I Want ». L'histoire du disco met les divas sur un piédestal et glorifie leur beauté ou leur voix, mais un grand nombre de voix masculines, fortes, racées, symbolisent le genre autant qu'elles. On peut citer par exemple Luther Vandross, Barry White ou Billy Paul. Teddy Pendergrass représente la crème de la Philadelphia soul et du disco. Teddy chante l'amour, la douleur, la joie ou l'appétit sexuel avec la même sincérité. Sex symbol et maître de la balade, soul, il enfile parfois son costume de prêcheur ou de leader politique. Alors il va entamer une carrière solo en 1977 avec l'album Teddy Pendergrass, sur lequel figure The More I Get, The More I Want. Coécrit par le duo McFadden et Whitehead, interprète du hit Ain't No Stopping Us Now, et arrangé par Bobby Martin, ce morceau est une merveille de disco soul et une réussite en tout point. Il y a une composition solide, des mélodies de guitare jazzy, une ligne de basse complexe mais funky, des lignes de violon mélodieuses, des riffs de cuivre percutants, des jolis chœurs et un beat énergique. Tout est au cordeau, on va dire, pour accueillir la voix de Teddy. Ah, étonnamment, il va sortir qu'en face B de divers singles, mais ça, c'est sans compter les DJ qui en ont fait un hit. Jugez-en par vous-même. Make me happy. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors on va continuer dans notre série sur les BO de films. Toujours Thanks God It's Friday. On va découvrir Paul Jabara et son titre Trapped in a Starway. Le chanteur est d'origine libanaise et fait sa carrière aux USA. Il a composé un célèbre tube des Weather Girls, It's a Rainy Man, mais aussi Last Dance de Donna Summer, que l'on a déjà écouté lors d'un précédent numéro. Cette dernière lui vaudra un Oscar pour la meilleure chanson originale pour ce film. Il y tient d'ailleurs le rôle de Carl, un des personnages du film. Paul Jabara nous a quittés en 1992, mais Dieu merci, c'est maintenant que l'on écoute. Shut up! Je trouve ce morceau plein de fraîcheur. Alors, on va continuer sur le maxi. Alors, le maxi, je vais le dédicacer à la meilleure collègue qu'on puisse avoir, ma collègue Coralie. Alors, aujourd'hui, un groupe que l'on a découvert grâce au 100 hits que j'ai nommé Sky. Comme précédemment évoqué, il a été créé au début des années 70. Comme je ne savais pas que c'était une machine à hits, je me suis dit qu'il fallait vous en montrer un peu plus. Choisir ne fut pas si simple, je me suis décidé pour ce maxi à vous faire écouter Show Me The Way, sorti en 1983. Ah, il va obtenir une modeste 35e place dans les charts US, mais c'est comme le bon vin, plus c'est vieilli, plus on l'aime. Le groupe est rebaptisé à cette époque, New York Sky, bah ne m'en demandez pas pourquoi. Allez, je vous montre le chemin. Show me the way, show me the way to go, show me the way, show me. Show me the way, show me the way. C'est l'heure de la pépite et aujourd'hui on va écouter Lakeside et son Something About That Woman. Vous vous souvenez, c'est le groupe qui interprète Fantastic Voyage. Morceau sorti en 1982, il atteindra la 25e place dans les hits US. Il est extrait de l'album Your Wish Is My Command, paru la même année. Sur la pochette, ils apparaissent façon génie sorti d'une lampe. On va voir si c'est si génial que cela. Just something about that woman. C'est la journée mondiale de la dédicace, donc ce morceau-là, je vais le dédicacer à Carole. Alors, il est maintenant temps de se dire au revoir. Alors, je vous dis bon samedi, bon dimanche, bonne semaine, et à bientôt sur Fadjet, et rendez-vous samedi prochain. Bye bye!